Du jamais vu chez Delbo Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delbo Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. Il y a toutes sortes de causes humaines pour ramasser des fonds, des causes qui sont vraiment un des gros défis. Et il y en a une, entre autres, trois femmes de Dolbo Mistassini vont participer cet automne à une marche dans le désert au Maroc. Évidemment, le but de ça, c'est pour ramasser des fonds contre le cancer du sein. Et l'une d'entre elles, c'est Guylaine Lalancette, qui est infirmière au CIUS. Et question de savoir un peu d'où est venue l'idée, l'objectif, et ainsi de suite, on lui parle. Bonjour, Guylaine. Oui, bonjour. Guylaine, où est venue l'idée de partir ou de faire cette aventure complètement, on peut le dire, là, de 16 à 23 kilomètres dans le Maroc? Ce ne sera pas comme marcher à Dolbo Mistassini, genre. Non, c'est ça. Bien, l'aventure, c'est plus une amie ici qui travaille au CLSC, qui vient de faire cause des sables, puis qui a ramassé des sous pour... justement pour le cancer du sein, puis pour les enfants du désert. Okay. Mireille Martin, là, avec une amie. Ah oui, je comprends. De là vient Mireille et également une Madame Gauthier aussi, là. Oui, c'est ça. Okay. Puis là, Mireille, je parlais à Mireille de son expérience parce que je trouvais beau ce qu'elle avait fait, les sous qu'elle avait ramassés pour une bonne cause. Mm. Puis là, elle m'a parlé justement du trek. C'est une marche qui est dans le désert. Le défi, au lieu de le faire en camion, en 4x4 ou autre, le défi est fait à la marche. Fait que quand elle m'a parlé de ça, j'ai dit, eh mon Dieu, que ça, c'est quelque chose qui vient me chercher, qui m'intéresse, parce que c'est un beau défi physique. Puis, en plus de ça, on peut le faire pour une bonne cause. C'est sûr que c'est un défi qui va demander de sortir de notre zone de confort. Mettons. Et ce sera un défi qui ne sera pas facile. Mais je me dis, ah, ça vaut la peine de le faire pour une bonne cause. Fait que moi, j'en ai parlé à Denis Simard et à Marlène Laliberté, mes deux grandes amies avec qui je vais faire des montagnes. Souvent, on va marcher en montagne. Souvent, on fait des activités ensemble. Puis, écoute, c'était tout de suite le coup de cœur. C'était oui, on embarque. Sans aucune hésitation. Fait que là, suite à ça, ben, on est allé chercher de l'information pour justement ce trek-là. C'était quoi ce défi physique-là? Puis, ben, on s'est inscrit. Okay. C'est ça qu'on a fait. On s'est inscrit en novembre l'année passée. OK. Fait que c'est ça. Puis c'est pour une bonne cause parce que le cancer du sein, je m'excuse, ça nous tient. Ben oui. Les hommes, c'est le cancer de la prostate. Les femmes, c'est le cancer du sein. C'est pour vous donner une idée. Oui, puis il y a des hommes aussi qui ont le cancer du sein, là. Ouais. Qui développent des cancers du sein. Ça fait que nous, on a dit, regarde, c'est une belle cause. On sait qu'il y a une femme sur 8 qui est interpellée par le cancer du sein. Ouf, OK. Là-dessus, il y a des femmes qui vont en décéder. Ça fait que, bon, on a dit, regarde, on va faire ça pour une bonne cause et on va se donner à fond là-dedans. Okay. Fait que, c'est sûr que ça ne sera pas facile. On s'embarque dans quelque chose de gros, mais je pense que ça vaut la peine. Le taux de au Challenge des Roses, je pense, au Maroc, eux autres avaient ramassé d'argent pour la bibliothèque, pour une bibliothèque. Il y avait un objectif, je pense, c'est qu'ils avaient ramassé quelque chose comme 10 000 piastres, quelque chose de même, je me rappelle bien. Là, ça fait quand même un bout de temps que j'ai fait l'entrevue. Vous, c'est quoi l'objectif de ramasser des fonds? J'imagine qu'il y a un coût d'inscription à ça? Il y a un coût... Oui, ben c'est sûr qu'il y a un coût d'inscription. Premièrement, nous, toutes les dépenses personnelles, les frais de voyage et tout, c'est tout assumé personnellement par nous. OK. Il y a un coût d'inscription parce que c'est tout quand même une organisation. Là, à ce moment-là, il y a des frais d'inscription. Mais là-dedans aussi, il y a dans les frais d'inscription, il y a des sous aussi qui sont il y a des sous qui sont donnés pour le cancer du sein parlons-en. Puis il y a des sous aussi qui sont donnés à Octobre Rose. qui est aussi pour le cancer, c'est pour le dépistage et la recherche. OK. Fait que, puis il y a des sous, il y a une partie aussi, une petite partie qui est donnée pour les enfants du désert. Et nous autres, ce qu'on a fait, on a décidé de faire une levée de fonds un peu plus grosse pour pouvoir donner encore plus d'argent pour le cancer du sein. À qui vous donnez ça, hein? Ben, c'est ça. Ça va être donné au cancer du sein, tout dépendant du montant, là. OK. On aimerait donner au cancer du sein. Non, mais c'est-tu... Parce que quand on a de l'argent, c'est la Société canadienne du cancer, c'est une recherche, mais au Maroc... Mais étant donné que la compétition va... compétition... Vous allez faire l'activité au Maroc, vous donnez ça à qui? On va donner... Ben nous, on va contacter les gens du cancer du sein ici au Québec, on va regarder avec eux, là. On ramasse des sous pour une cause, mais on veut les donner, ces sous-là, là. Fait que c'est ça. Parlez-moi de l'entraînement. L'entraînement, vous allez affronter pas mal. Vous allez affronter au Maroc, vous allez affronter des. Ce ne sera pas une partie de plaisir. Premièrement, on s'en va dans le désert, dans le coin de Merdouga, qui n'est pas loin de la frontière algérienne, là. Ça se trouve être dans les dunes de sable là, au Maroc. Okay. Quand on arrive, on part d'ici, on s'en va à Casablanca. Il faut faire 9 heures d'autobus pour se rendre au site justement où on va faire le défi. On va devoir traverser les montagnes, je crois que c'est les montagnes de la classe. Puis après ça, on s'en va après dans le désert, vraiment dans les grandes espaces là, désertiques. Là. Fait que rendu là, on s'en va dans un bivouac où on va dormir 5 jours en bivouac. Ça, c'est des tentes. Okay. On va dormir dans des tentes. Puis la température dans le désert, elle peut être variable. Elle peut descendre facilement en bas de 0. Et le jour, bien, on s'attend au mois d'octobre à des températures, peut-être, c'est ce qu'on a lu, c'est ce qu'on s'est fait dire par les responsables de l'activité, c'est des températures peut-être 29-30, peut-être plus. Les températures qu'on a quand on a nos journées très, très chaudes. OK. Mais c'est pas la même chaleur non plus, là. C'est une chaleur quand même. Non. Plus sec, plus. Plus sec, on dit, hein? Oui, c'est une chaleur qui est très sec, mais on peut être confronté à toutes sortes de températures aussi. Il peut avoir des tempêtes de sable, des gros vents. On ne sait pas quel type de température à laquelle on va être confronté. Mais nous, on part, on a seulement comme outil d'orientation une boussole. Il n'y a pas de GPS, là. Qui nous dit... non, on n'a pas le droit à des GPS, ouais. Hein, parce que c'est un défi physique, hein, c'est un rallye. Donc, on a le droit à un compteur de distance. Okay. Le défi, c'est, on dit, de 18 à 23 km par jour, mais on ne sait pas, là, ça peut être une journée où on a 23 km à faire, mais il faut trouver 5 balises dans notre journée, puis il faut s'orienter avec la boussole, mais c'est dur de prendre des points de vue, il semblerait, dans le désert, parce que là, c'est des dunes de sable. Ça fait qu'on va devoir peut-être essayer pour trouver des boussoles, des balises, mais là, on va devoir se concentrer, se faire confiance, puis essayer de bien s'orienter, parce que, écoute, pour nous autres, ça va être tout nouveau, là, on connaît rien encore. Ben oui, ça vous énerve-tu, ça vous fait-tu peur? Ça vous fait-tu peur? Ben non, pas vraiment, parce que écoute, c'est quand même une organisation sérieuse, okay. C'est structurée. Il y a des médecins donc qui vont rester au campement avec un hélicoptère. On a comme une puce sur nous autres que si jamais, mettons, ils peuvent pas nous perdre de vue. Vu que c'est désert, donc c'est un espace désertique, il faut quand même marcher plusieurs kilomètres. Ils sont en mesure de voir à quel endroit on se situe, là. On a comme une puce GPS, une puce sur nous. Okay. Ils savent où on est en tout temps. S'ils sont pour nous perdre de vue, là, ils vont venir nous récupérer. Mais c'est ça, là. Il semblerait que c'est une organisation qui est très, très bien structurée. c'est sûr qu'ils veulent pas perdre leur membre. Là, c'est quoi votre camp d'entraînement? Parce que je vous ai posé la question tantôt, vous avez plus ou moins répondu. J'imagine. Ah, ben là, ouais, j'imagine. Ouais, là, j'imagine que là, on se prépare. On n'arrive pas là, puis on commence pas à marcher le. C'est en novembre, ça. On commence pas à marcher le 15 octobre. Là. J'imagine qu'il y a un gros camp d'entraînement qui se prépare. Il y a un programme d'entraînement. Vous êtes suivi là-dessus pour affronter tout ça. Comment que ça se passe? Bon, écoute. Là, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va s'entraîner sur les plages, parce que là, on va marcher dans du sable mou. OK. Sur une bonne distance. Fait que on a commencé nos entraînements. Alors on fait de la nage, puis il faut des différents terrains, parce qu'il peut y avoir du sable mou, ça peut être des terrains rocailleux. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est ça. C'est qu'on va faire des marches, dans le sable, on va essayer de s'habituer à la boussole aussi. Puis on va aller en montagne. Là, au mois de mai, on a des montagnes de prévues. On veut faire le défi des 5 sommets. Ça, c'est un défi qu'il y a à Charlevoix où tu vas monter. Il y a 5 montagnes à monter en laps de temps déterminé. Fait que nous, on va faire le défi des 5 sommets. Si des montagnes, ça dépend, ça peut être des montagnes de 8, 10, 12, 14, 15, 16 kilomètres, tout dépendant de la montagne qu'on va aller monter. Mais nous, on va aller aussi, on va faire beaucoup de marches en montagne pour nous préparer. OK, ben c'est sûr, j'imagine. Vous n'aurez pas la chaleur, par contre, mais comment vous allez être au départ? Comment on va être au départ? Qu'est-ce que vous... Des équipes, j'imagine. Est-ce que généralement, c'est sûr que vous ne pouvez pas le savoir, mais généralement, quand vous avez dû faire des recherches, il y a combien d'équipes qui sont là au début? Bien, je ne sais pas le nombre d'équipes. Qu'il y a, mais je sais qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est la seule équipe. Ouais, je sais okay. qu'une équipe d'Outaouais, peut-être une à Québec. Je ne sais pas le nombre d'équipes, mais je sais que c'est à travers le monde. Là, il y a quand même beaucoup de gens du coin de l'Europe, d'un peu partout. Là. Fait que je ne peux pas vous dire exactement. Okay. Nous, on a quelqu'un qui s'occupe de nous au Québec. Fait que c'est ça, on va... On a un suivi avec eux là par rapport à la préparation physique. Ben, c'est clair. Ça demande un bon mental aussi. Puis c'est ça. Là, on a différentes étapes là, qu'on a à suivre afin de bien se préparer pour faire ce défi-là qui en vaut la peine encore. Ben oui. Ben Guylaine Alancette, bravo, félicitations. On va vous suivre quand va venir le temps. On va sûrement refaire une entrevue avec vous quand va venir le temps de. Pour que vous nous racontiez votre expérience. Bien, ça va faire plaisir. Merci beaucoup. Voilà, Guylaine. Pour les gens qui veulent donner des dons, en passant, j'avais oublié, c'est important, on contacte qui et comment ça marche? Il y a un gaucher qui a un GoFundMe, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis ils peuvent aller sur le site Facebook. OK. Ils ont à taper Rose Sauvage. Équipe 207. Okay. En tapant Rose Sauvage, ça va se pointer. Là. Puis à ce moment-là, il y a un lien là, pour pouvoir donner des dons là, pour le cancer du sein. Ben, bravo, merci. On se reparle quand va venir le temps de clore ça. OK, merci beaucoup. Voilà, donc Guylaine Lancette et deux autres femmes vont partir à l'aventure du désert du Maroc au mois de novembre prochain.